suis entré dans un café turc pour boire une tasse de café turc parce que j'aime bien le café turc. Café turc. J'ai appelé le garçon du café turc et j'ai demandé un café turc parce que j'aime bien le café turc. C'est si beau de voir du café noir dans une tasse plus blanche que l'ivoire. Et si j'ai parfois des idées noires, je mets du lait dedans mon café noir. J'allais boire enfin du café turc en Turquie dans un vrai café turc parce que j'aime bien le café turc. Dans un café pas turc, j'ai pu boire enfin du café turc parce que j'aime bien le café turc. Café turc. Dites garçon, t'aurais pas un petit morceau de sucre, s'il vous plaît?